والذي أخذنا يا موسى مع دليله من جرى بينه وبين الله والصائم ولهم ويشفى ودعوه. وقف. من جعل بينه وبين الله وسائط. وسائط جمع ماذا؟ تلفغير دوكا؟ آي صح أحسنت. إذن نحتاج إلى تعزيز. On a besoin de renfort. Mohamed, tu lui portes renfort là? Tu lui portes quoi? Là? Man? Ah, Aïssa. يعني ايه وسطة نعم الوسائط جمع وسطة نعم والوسائط اربعة اقسام ولا خمسة ما حضرت انت الوسائط مفارسة دي الوسائط يا عبد الرحمن ما حضرت أنت حذرت يا عبد الكريم. طيب الوسائط فيها أقسام قلنا. تذكر؟ نعم. يعني أربعة ولا خمسة؟ ليس باثنين. اثنين؟ ما هو أربعة؟ متأكد؟ أحسنت. ما هما؟ إن يجوز ولا يجوز. إيه وسائط شرعية. ووسائط غير شرعية des intermédiaires qui sont permis et les autres qui ne le sont pas يعني celui qui prend des intermédiaires en dehors d'Allah on a dit les intermédiaires il y en a qui sont permis il y en a qui sont interdits طيب les intermédiaires qui sont permis à Bilal les prophètes Jibril alayhi salam et les savants نعم الرسل والانبياء وكذلك بعض الملائكة. Eux, ce sont des intermédiaires entre qui et qui? Entre Allah et ses créatures. Donc jamais on réfute le fait qu'il y a bel et bien des intermédiaires. Mais on dit que les intermédiaires, il y en a qui sont légiférés, comme les prophètes, les messagers, ainsi que les anges, comme Jibril. Jibril, c'est bien un intermédiaire entre Allah et les prophètes. C'est lui qui leur informe la révélation d'Allah Azza wa Jal. Wa kadhalika al-ulama. Al-ulama sont des intermédiaires entre Allah et ses créatures. Lorsque tu ne sais pas une chose, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Non. Non. طيب ها من جعل بينه وبين الله وسائط ولا وسائط الحرام les intermédiaires qui sont haram الذين يدعون بهم ايوه c'est les intermédiaires que l'imam dans son livre il a visé par sa parole le fait de prendre des intermédiaires c'est-à-dire les intermédiaires entre toi et Allah c'est-à-dire que tu vas leur demander des choses dans laquelle ils n'ont aucun choix et aucune capacité. Naam. Wa yatlub yani madha? C'est quoi la fin du naqid? Wa yad'uhum. Wa yad'uhum, il les invoque. طيب l'invocation. Kam aqsam ya Moussa? Snin ou thalatha? Snin. Ou thalatha? Snin. Ma huma? دعاء المسألة دعاء المسألة دعاء المسألة هل يجوز صرفها لغير الله أو صرفه لغير الله est-ce qu'il est permis de tourner la دعاء l'invocation دعاء المسألة pour autre qu'Allah نعم بالشروط أحسن Si la personne est vivante, elle a la capacité et elle est présente. نعم أحسن. هذا دعاء المسألة. طيب ودعاء العبادة. ما هو؟ C'est quoi ce qu'on appelle دعاء عبادة؟ أنت قبل أن تسافر مسألة c'est que tu passes une œuvre en guise d'adoration. Même les demandes pour Allah, c'est... Ouais, c'est que tu passes une œuvre en guise d'adoration. Non, mais c'est que tu passes une œuvre en guise d'adoration et Mala, tu l'as fait en quelque sorte pour demander quoi? Pour demander la récompense. Et qu'Allah aussi te préserve de son châtiment. Donc on dit que c'est une dua dans le sens où toi tu. C'est-à-dire que tu fais cette œuvre-là, et ton but, quand tu fais cette œuvre-là, c'est de demander, c'est d'espérer la récompense de cette œuvre-là. Donc c'est une dua min hadha al-bab. C'est une invocation de par ce sens-là. Idan as-salah wa siyam wa zakat, le fait de payer la zakat, c'est une dua. Dua ish ibad. Non. Si on demande à Allah, si tu demandes à Allah, c'est une dua mas'ala. Wa hiya ibada fi nafs al-waqt. Non. طيب يدعوهم وماذا ويسألهم الشفاعة ويسألهم الشفاعة نعم وماذا وبعد ذلك ويتوكل عليهم ويتوكل عليهم نعم نعم ويتوكل عليهم فإن شاء الله سنأخذ بعض الفوائد حول التوكل تكتبون والتوكل في اللغة هو الاعتماد التوكل في اللغة هو الاعتماد التوكل en langue arabe ça sous-entend le fait de s'appuyer نعم وشرعا هو اعتماد القلب على الله وشرعا هو اعتماد القلب على الله et selon le, ou d'un terme ou selon la législation ça sous-entend Yannick c'est le fait de s'appuyer ou c'est l'appui du cœur sur Allah عز وجل في حصول ما ينفع العبد ما ينفع العبد في حصول ما ينفع العبد في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه le fait de s'appuyer ou l'appui du cœur sur Allah عز وجل dans le fait de s'attirer ce qui va lui être utile ou ce qui va être utile au serviteur dans sa religion ou dans sa vie d'ici-bas. ودفع ما يضره في دينه ودنياه. Et c'est aussi le fait de yani dans ce qui va lui attirer. On a dit quoi? J'ai dit quoi en français? Qu'est-ce qui va être utile dans sa vie, ouais, dans sa religion, et ce qui va repousser, ce qui va lui faire du tort dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas, dans sa dunya. Là, au bilan arabe, هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه مع الثقة بالله avec une totale confiance en Allah مع الثقة بالله الثقة c'est la confiance et aussi la bonne pensée مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية tout en ayant confiance en Allah Azza wa Jal et en empruntant ou en faisant les causes de légiférer. نعم التوكل يا إخوة أمر عظيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهو التوكل دلالة على إيمان صاحبه le fait de placer la confiance en Allah عز وجل c'est un indice ou c'est une preuve que la personne a bel et bien foi en Allah عز وجل نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه et celui qui place sa confiance en Allah Allah il lui suffit وسبحان الله يا إخوة ما أعظم حاجة الناس Il a tawakkul ala Allah azza wa jal. Et en vérité, les gens, ils ont vraiment, ou ils ont un énorme besoin de placer leur confiance en Allah azza wa jal. يعني الرزق بيده. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Le risque, كلها بيده. Tout le risque, il se trouve dans ses mains. وتلاحظون أنه ذكر أسباب الرزق في القرآن والسنة وأسباب الرزق كثيرة les causes de la subsistance sont nombreuses نعم et dans ces causes là tu vas peut-être pas trouver ou tu vas trouver dans de petits endroits le fait de travailler maintenant تكاسب tu vas trouver mais Au contraire, tu vas trouver que le fait de placer sa confiance en Allah, c'est une cause de risque. N'aim. Fa al-Umar ibn al-Khattab, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, لو توكلتم على الله حق التوكل. Si vous placiez votre confiance comme il se doit en Allah azza wa jal, la razaqakum, kama yarduq al-tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitan. Il vous aurait certes octroyé votre subsistance comme il l'octroie à l'oiseau lorsqu'il part au matin, affamé ou le ventre vide, et qu'il revient le ventre plein. وكان بعض السلف يقولون المتوكل على الله كالميت بين يدي الغاسل. Celui qui place sa confiance en Allah, il est comme le mort entre les mains de celui qui le lave. Est-ce que le mort, tu vois, qu'il peut faire quelque chose? يقلبه كذا ويقلبه كذا ويقلبه فهكذا الذي يتوكل على الله فهكذا يكون شأنه ولا يخاف من المستقبل لأنه يعرف أنه مع الله وأن الله معه ومن كان الله معه ومن كان مع الله فإن الله معه سلوكي يعرف الله الله يستقبلك فيه نعم وكان الحسن البصري يقول تركت الخوف من المستقبل j'ai délaissé le fait d'avoir peur du futur منذ أن عرفت الله عز وجل depuis que j'ai connu الله عز وجل بأسمائه وصفاته نعم ويا إخوة هذه الأشياء التي ندرسها حقيقة يعني c'est des vérités C'est pas un khiyal. Allah subhanahu wa ta'ala yaratuq man yasha bi ghayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala qadir an yunzil alayna ma'idatan min as-sama. Wa qadir ala kulli shay. Na'am. Wa shar'a lana asbaban. Wa min a'zami al-asbab at-tawakkul alayh. Et donc il nous a légiféré des asbab pour atteindre le risque. كما تذكرنا في الخطبة حتى في النكاح الزواج كم من الناس يخافون من الزوجة من الزواج يقول أنا ما عندي مال وربما إذا تزوجت يعني يحصل لي فقر كذا هذا نادر تراه من العزاب ساس صغار كي تبغى وقت سليباتير كي بدي أخسر لكن celui qui est déjà marié il va dire أنا ما أستطيع أخذ ثانية لأن ما عندي مال وهذا س ينقص من المال هذا ضعف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبت لرجل لا يطلب الغنى في الباءة أو في الباءة je me suis étonné d'une personne qui ne recherche pas la richesse dans le mariage هذا عمر بن الخطاب وكذلك طلب العلم أسباب الرزق ف بعض الإخوة يظن أن إذا ترك العلم وأقبل على هذه الدنيا ويبحث من عن الرزق من الليل أو من الصباح إلى النهار يظن أنه تقدم في حصول رزقه ويظن أن الذي يعني جلس في المسجد خاب وخسر خسر رزقه Celui qui court après le travail, maintenant, il peut penser que celui qui est resté à la mosquée, il n'aura pas la même avance que lui dans le fait d'obtenir sa subsistance. Voilà. Khata. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama aw la'allaka turzaq bih. Il se peut que tu sois, que ton risque, c'est-à-dire lorsqu'il a expliqué à la personne qui travaillait, qui était venue se plaindre de son frère qui ne travaillait pas, le prophète Hassan lui dit, il se peut que toi, ton risque te vienne de par la cause de celui qui reste avec moi et qui apprend la science avec moi. Fadi Baraka. C'est Allah qui a créé cette terre. C'est Allah qui a créé ces cieux. C'est Allah qui a créé ces djibal, wal anhar, wal asjar, wa kada. Kulluha lillah. Wa minhu. Et c'est lui qui te montre comment tu vas avoir ton risque. أعظمه بالتوكل وكذلك طلب العلم ولهذا كان الإمام الشوكاني الإمام الشوكاني في أدب الطلب قال لا نعلم أحدا من الطلبة أو من طلبة العلم مات من الجوع on n'a jamais entendu parler dans l'histoire islamique d'un étudiant en sciences religieuses qui est mort de faim بتاتا الله يرزقه فهمتم الله يرزقه والهجرة المهاجر الذي يخرج من بيته ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة هذا نص فسي دي شوز كي فعلا يفو سمت دون لا تيت كي سلو كي سور في سبيل الله مهاجرا إلى الله الله سبحانه وتعالى سيعطيه وسيكرمه من جميع أنواع الكرامات الله سبحانه وتعالى سيعطيه نعم فهذا هذا التوكل على الله يعني يحصل هذه الأشياء كلها نعم وكنا نحب أن نذكر لكم فائدة قال أقسم التوكل على المخلوق شرك أكبر وله صورتان طيب يعني les personnes elles se divisent en deux Ou on va dire, en deux. dans le tawakkul. Ou en trois mots. D'accord. Yanqasimu an-nas bi nisbati ila at-tawakkul ila thalathati aqsam. Man yatawakkal ala Allah la ala ghayrih. Fahaula al-mu'minun. C'est le premier, la première catégorie, ceux qui placent leur confiance en Allah, Azza wa Jal, mahab. Ceux-là sont les croyants. Non. Waman yatawakkal ala ghayrillahi. Et celui qui place sa confiance sur autre qu'Allah. Hada shirkun maada, akbar ou la asghar? Akbar. Akbar. Non. Il place sa confiance sur autre qu'Allah, mutlaqan. Et après, tu as celui qui fait partie du shirk al-asghar. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait de voir c'est quoi le shirk al-asghar fi hadha al-bab. Lianna kathiran min al-nas qad yaqa'una fihi wa la yadrun. Naam. Cette faïda, يعني ستجدها مبسوطة من كلام شيخ العثيمين في قول المفيد في باب التوكل على الله. طيب وإلا هذا يعني كتاب نواقد الإسلام أو شرح نواقد الإسلام لأحد المشايخ في اليمن عبد الله بن أحمد الحكمي. نعم. طيب دوك شرك الشرك الأكبر له سورتان. Donc le shirk al-akbar, il a deux exemples. An ya'tamid alayhi i'timad al-mutlaqa, qui place sa confiance d'une manière globale sur autre qu'Allah. Hada shirkun akbar. Bihayth an ya'taqid an biyadihi jalb an-naf' wa daf' ad-dar. Wa hadha yaqa'u fihi kathirun mimman ya'taqidu 'ala al-amwat wal-gha'ibin alladhina ya'taqiduna fihim al-wilayah. Donc c'est le fait de placer sa confiance globale, c'est-à-dire entièrement sur autre qu'Allah Azza wa Jal. Sur le fait de s'attirer un quelconque bienfait ou de repousser un quelconque mal. Ça c'est du shirk akbar, c'est le premier exemple de shirk akbar. وَكَذَلِكَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Et aussi le fait qu'il place sa confiance sur cette créature dans une seule affaire. Là, c'est plus dans toutes les affaires, c'est dans une seule affaire. Mais malheureusement, dans cette affaire-là, cette personne sur qui il a placé sa confiance, elle n'est pas capable. Fahada shirkun akbar. Tama? Taïb. Wa shirkul asghar, qala shirkul al-Uthaymeen. Ashirkul asghar fi التوكل كالاعتماد على الشخص في رزقه. كالاعتماد على الشخص في رزقه. Comme le fait de placer sa confiance sur une personne concernant la subsistance. ومعاشه وغير ذلك. نعم يا اخوان. فالان انت تشتغل. الان انت تشتغل. Tu travailles. لا يكون توكلك يعني على يعني ماذا على مدير الشركة que tu ne places pas ta confiance sur ton risque sur ton patron même si c'est un temps soit peu فإن هذا شيء آخر. نعم. وكذلك si tu as une quelconque aide, que ce soit de l'État ou d'autres. La taj'al hadha tatawakkal alayh. Bal, فوض الامر الى من الى الله تورن cette affaire là vers Allah عز وجل et là c'est faut pas que tu dises يعني خلاص ça c'est un, ça va nous tomber là soit يعني ماذا متوكلا على الله عز وجل لا على الاسباب هذا سبب قد تحصل على المال وقد لا تحصل il se peut que ça arrive un jour bon en France c'est rare mais dans les pays étrangers comme en Arabie Saoudite ou quoi tu peux arriver un jour tu croyais que yani tu allais prendre ton salaire on te dit non excusez nous faudra attendre le mois prochain alors وانت اذا كنت متوكلا على الله بس لكن اذا كنت متوكلا على هذا المبلغ ولا على هذا ربما تتسخط على اقدار الله tu vas t'énerver sur le qadar d'Allah عز وجل et tout ce que yani tout ce qui concerne le risque on se doit de ne jamais le remettre dans les mains de quelqu'un parmi les créatures كل هذا بيد الله عز وجل فلا وكذلك الذي تستلم من مساعدة أو من العمل أو من أي شيء هذا من رزقك ça fait partie de ton risque qu'Allah سبحانه وتعالى كتب في كتب لك في اللوح المحفوظ وكتب لك على أيدي الملائكة لما كنت في بطن أمك من يذكر هذا الحديث ها حديث ابن مسعود وما ربه ها ها ها تفضل ايوه ان احدكم يجمع خلق بطني في امي يجمع خلق بطني في امي ها ها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه هكذا أيوة يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ويرسل عليه الملك ويقبض فيه الروح ويؤمر بكتاب ويؤمر بأربع كلمات بأربع كلمات عمله و بكتب بكتاب عمله وأجله ها بكتب ايش بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد نعم فكل هذه الأرزاق كلها داخلة في هذه الكتابات نعم وننتهي بكلام الإمام السعدي قال إن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو شرك أصغر si place ta confiance sur des gens qui sont vivants et qui sont présents comme des gouverneurs ou autres sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la capacité à ces gens. Si lui, il place sa confiance en eux, فَهَذَا شِرْكٌ أَسْخَرٌ نعم, هَذَا شِرْكٌ أَسْخَرٌ الآن, il y a un problème entre deux pays. Ce pays-là, il est musulman, ce pays-là, il est musulman. Ce pays-là, il va demander de l'aide. Par exemple, le Mali, il va demander de l'aide en Algérie. Est-ce que le président du Mali, il peut placer sa confiance sur l'Algérie parce qu'ils sont forts, ils ont des armes et tout. Maestro. Hada shirkun akbar. Shirkun asghar. Na'am. Bal yufawwid amrahu ila Allah wa ya'mal bil asbab. C'est une cause et il prend ça comme une cause, c'est tout. C'est-à-dire la personne quand elle travaille, elle dit c'est un sabab. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a travaillé, khalas, il va avoir son risque. Na'am. Hada sabab. Faqat. أما الرزق بيد الله عز وجل نعم ولهذا قال الشيخ الإسلام الالتفات إلى الأسباب شرك fit-tawhid. Le fait de se tourner vers les causes, poser sa confiance sur des causes, c'est du shirk. Fit-tawhid. Ça, c'est Cheikh al-Islam qui dit ça. C'est Majmou' al-Fatawa. Wa mahu al-asbab. أن تكون أسبابا نقص في العقل et le fait de ne pas faire de cause. Tu dis خلاص le risque بيد الله, moi je bouge pas de la mosquée, je reste là, خلاص le risque va سيأتي. هذا نقص في العقل. شيخ رسول الله ماذا شيخ ابن تيمية. Il dit ceci est une diminution dans l'acte. نعم. والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. Et le fait de se détourner des causes qui sont légiférées, c'est une atteinte à la législation. C'est-à-dire toi, tu prends les causes, tu fais des causes. Voilà. Mais tu ne te reposes pas sur ces causes-là. Tu te reposes sur qui? Sur Allah Azza wa Jalla. نعم. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل. Et quand on dit le fait de ne pas faire de cause, on a bien vu que les causes elles sont vastes pour avoir de l'esprit. فَإِذَا كَانَ أَنْتَ تَجْلِسْ وَتَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ اللَّهَ قَادِرْ. Juste avec les du'as, Allah il est قادر de te donner. نعم. بعد الإخوة راحوا إلى مكة طافوا وشوفيوا من مرض الإذن. Certains frères ils sont partis faire une umra, ils ont fait un tawaf et quelques ibadas sur Mecca et ils ont été guéris du sida. N'aim. وهذا ما هو بعجيب. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait fait descendre son remède. N'aim. ولكن المسلمون بعيدون عن دينهم بعيدون عن ربهم بعيدون عن رسولهم. Mais malheureusement les musulmans ils sont loin de leur religion, loin de leur seigneur, loin de leur prophète alayhi salat wa salam. Sinon tout nous a été prescrit et tout nous a été expliqué fi al-kitab wa fi sunnah. Na'am. Wa naktafi fi hadha ad-dars bi hadha hatta na'qul shay'an min